Oh, c'est un excellent titre aussi. Et alors, Thomas. Thomas. Thomas, oui. Alors, je vous téléphone pour vous filer une petite histoire qui m'est arrivée à propos des badges. Ah. Oui. Ah. Alors, j'adore qu'on me raconte des trucs comme ça. Est-ce que tu aimes les filles ou les garçons? Ben, les filles, pour l'instant. D'accord. Ouais, pour l'instant. Oh, ben. On va t'envoyer du monde. Mais tout peut arriver. Ouais. Ah ben voilà. Ah, ça, on n'est jamais trop aidé. Ah ben, tant mieux. Trop aidé? Oui. Trop pété. On n'est jamais trop aidé? Trop pété, surtout. On est tous un peu quelque part. Ouais. Alors, ta petite histoire hein. Bah alors, voilà, j'étais à la coupole. Oui. Un badge sur mon beau t-shirt Foot of the Loom, n'est-ce pas? Alors, fièrement arboré, oui. Et voilà qu'une vieille pute de 37 ans vient m'aborder. Alors, direct. 37 ans, c'est très vieux. Ben, quand on a 18 ans et demi... Oui, mais il a raison, 18 ans et demi. Une vieille de 37 ans et demi. Mais c'est pas très vieux. La fille de Catherine Deneuve. Je sais pas, mais... La petite fille d'Alice Saint-Pierre. Bien conservé, vous pouvez déconner. Ouais, 37 ans et demi. Et 37 alors... ans, c'est le double de mon âge. Ah ouais, d'accord. Et quoi, je l'ai su par la suite qu'elle avait 37 ans. Elle c'est qu'il a dit. Et tout, tu connais et tout. Puis vite fait, au bout même pas d'un quart d'heure, elle me demande t'as déjà baisé et tout. Bon, et alors, moi, j'étais comme un fou. J'ai dit putain, une vieille et tout. J'ai dit elle va m'initier. J'étais comme un fou, tu vois. J'avais déjà l'intrigue, rien que d'y penser. Ouais. Et malgré les 37 ans et demi. Ah, ça m'a un peu refroidi au départ parce que ça fait toujours un peu peur, mais bon. Ouais. T'avais peur de pas assurer surtout. Bah oui. Hein. Ah, bon, ah c'est ça. Mais finalement, c'est elle qui m'a baisé, quoi. C'est moi qui me suis fait baiser. Parce que... Et voilà. Mais tu sais qu'une femme, si elle vient de draguer et elle sait que tu es jeune et elle voit que tu es jeune, c'est parce que c'est ta jeunesse, ta timidité et ton côté novice qui l'intéresse. Si tu essayes de jouer le macro en disant oui... Je suis barbeau avec moi, d'accord. Tu vois, bon bah, à la limite, ça va la couper, tu vois. Il faut que tu joues un peu le timide et tout. C'est ça qui la rend folle. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, j'ai fait le gros sécoin et tout. Mais ça me faisait un peu flipper, quoi. J'étais comme un fou au début parce que je me suis dit... Là, au moins, j'y vais pas par quatre chemins, quoi. Si j'ai envie de baiser, je suis sûr qu'avec celle-là, c'est bon, quoi. Ah bah, d'ailleurs, elle devait vraiment avoir envie parce qu'on a pas perdu de temps. Puis la coupole, c'est réputé, c'est des vieilles putes, là. Elle aurait été amenée où? Bah, chez elle. Bel appartement. Ah oui, putain. Elle possède, la vieille. Ah ouais, ouais. Bon, ça va, c'est... Je sais pas si elle se faisait payer au début, mais... Elle a des ongles. Ah bah, on s'est pas regardé, on est sur les murs, hein. Et alors, qu'est-ce qui raconte la séance? Je peux te dire que c'est pas quoi. Ah oh ben, ça a commencé très fort par une fellation, n'est-ce pas, infernale. Ouf. D'ailleurs, ça m'était jamais arrivé, alors d'autant plus que... Ah, c'était la première fois. J'étais comme un ouf, ouais. Je me tenais à sa tête. Oh là là. Comme un fou. T'étais debout, allongé. J'en ai pas demandé de 15 jours, figure-toi. Après, qu'est-ce que t'as pu branler en passant à la vieille? J'entends encore. Oh, je la tenais par les couettes, à la pauvre. Je vais tout balancer dans la gueule. Oh là, glou-glou. En plus, elle est pas contente, la connasse, hein, parce qu'elle est tout avalée. Tu t'es vidé comme un poulet, mais pas la bite au lieu de ça, par mais le non, trou. Mais tu sais, les vieilles comme ça, elles savent que les jeunes, ils ont jamais envoyé les la purée. Vieilles de 37 ans. Ils ont jamais envoyé la purée comme toi, alors ils se disent, ceux-là, ils sont bien frais, c'est de la cam fraîche, je peux avaler. Oui. C'est pas Yurassi, ça, oui. Ah bah, j'en sais rien, je pouvais peut-être me piquer ou des trucs comme ça. Ah, ce que tu dis n'est pas faux. Ah, oui. Non, mais il y en a qui croient qu'on peut attraper le sida en baisant. Mais il existe maintenant des préservatifs aussi pour les seringues. Oui. Non mais t'en fais pas, je me pique pas. Bon, ça va. Je panique pas, je ne suis pas une loque. Nous on se pique pas, mais alors qu'est-ce qu'on peut piquer? Vous avez le dard. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'elle t'a fait après cette fellation divine? Eh ben, elle s'est carrément assise sur moi. Oh, l'hélicoptère. Et elle a dada sur mon bidet, etc. Tu as fait le travail des seins? Bah oui, comme ouais, bien sûr. Et est-ce qu'elle a pris du bonheur? Bah, est-ce que t'as vu son visage se buriner par le bonheur? Buriné, se torturer de joie. Un visage buriné de bonheur et de joie. Elle secouait la tête comme une folle. Mais est-ce que comme une possédée du diable. Elle secouait la tête. La bave aux lèvres. Écumant. Écumant. Elle m'a bavé dessus. Incroyable. Est-ce que tu de la bave aux commissures. Ça l'excite la Pascal. Hein. Ouais, oui. Est-ce que tu n'as pas joui trop vite parce que quand on est très excité en général oui, on non, éjecte non, très bien. Voilà. Hein? Je me retiens parce que c'est pas marrant. Ah bon. tu te retiens, tu arrives à te retenir. Oh, ouais facile. Et comment tu fais alors? Aussi, je te dis pas le recul. Non oui bon mais d'accord. Oui. Exocet, tu la colles au plafond. Je suis parti dans la chaîne et tout. Non mais comment? Parce qu'il faut le dire, il y a des garçons qui nous écoutent sûrement et qui voudraient savoir comment tu fais pour te retenir. Oui c'est vrai. Ah oui. Comme si je me retenais le pied, tu vois, pareil. Ah, c'est très dur. Et il faut que tu arrêtes de limer aussi. Comment ça? Non, tout en limant, c'est impeccable. Tout en limant, tu penses à quoi? À tes, bah, moi je dis la salope. À tes examens qui vont pas te réussir. Tu penses à toutes les meufs que tu t'es fait avant, qui étaient très laides? Ah non, non, quand même pas, non. Non, bah, non, parce que c'est dur de se retenir sans débander. C'est vrai, parce qu'en général, si tu penses à autre chose, pas, après moi, t'as... peut-être spécial, mais bon... T'y arrives bien. Et tu tiens combien de temps à peu près, tu peux dire? Combien de temps ça a duré la prestation? Oh, même pas 5 minutes. La prestation. Minutes, à 5 minutes. C'est la rage de jouir. Ah, et tu peux le faire combien de fois? Oh, bah, on a baisé que deux fois d'affilée, quoi. Deux fois. Ouais, elle est partie. Mais c'est d'ailleurs mon record. Elle est partie après ou disons elle t'a laissé? Bah non, moi j'étais tout jeune, je m'en suis endormi tellement j'étais content. Ah t'as... Il a dormi de bonheur, bah, oui. Comme je fume pas. Voilà. Ouais, ouais, bah ouais. Au lieu de fumer, j'ai repillé quoi. Et rebelote le lendemain matin. Bah ouais, avant de partir. Et elle t'a rappelé ou pas? Une petite snécave avant de partir. Ah voilà, une petite snécave. C'est quoi une snécave? Une pipe. Mais quel goût. Non, mais elle sait pas, elle peut pas. Elle a un autre vocabulaire que nous n'avons pas. Ouais, mais parce qu'elle fait... C'est pas parce qu'elle est en fac que... Ah, oui, non, là. Mais je peux pas, je retiens pas. Non, non. Ah, Vachora Non, elle sait pas. L'Ichave de Minge, Pélo, si, ça, je sais. Non, je sais. Le nom, elle s'en fout, c'est qu'on lui fasse qui... Kundav. Voilà, moi, j'ai pas besoin d'avoir des noms. Il suffit qu'on me fasse, j'ai pas besoin que ça s'appelle. Ça suffit très bien pour mon bonheur. Voilà. Bon. Alors, la chienne. Ah bah oui, non, il faut pas qu'on me dise, je vais être l'Ichave. Qu'on le fasse, ouais. Et après, on en parlera. Tu es joli garçon, Thomas? Ben, je sais pas, mignon quoi. Alors, vas-y. Il faut que je me décrive. Parfois, il y a la Pablo qui a dit que c'était démodé, ou je sais plus comment il s'appelle. Non, mais chérie, ne confonds pas Coco et haricot. Et haricot, chérie. Ok. Ne confonds alors, pas. Alors, je fais assez grand quoi. Les étoiles et. Ah, le brun. Oui. Mmh. Les cheveux quoi, longs, assez longs. Quel poids? Oh là, alors là, mon gars, 68 kilos. Ça va, ça correspond. J'ai grandi trop vite, donc j'ai pas eu le temps de grossir tellement, tu vois. Tu es poilu? Hein? Tu es poilu? Non, pas trop. Bon, taille. Mais il a dit... Non, taille de pantalon. Taille de quoi? Pantalon. Oh, bah, je suis pas, tu sais, moi, je suis un genre Zoul, alors les pantalons du genre 36-38, quoi. Ah, voilà, en taille merloc, mais bon, ça fait délire. Genre... Mais ma taille normale, c'est 32, quoi. Grandit très vite. Et là, le gueux? Et là, le gueux? Bah, le gueux, normal. Les cheveux longs, des tombous? Là, le gueux, normal. Y a pas de tombou. Quelques tombes à cause des poils naissants dans la menton, ouais, tu vois, mais ouais, ça pas tellement sur le menton, c'est surtout sur les côtés là, tu vois. Et tu te zéras, non? Bah non, justement, je sais pas trop parce que ça me fait chier. Puis en plus, le dermatome m'a dit bouffez pas de chocolat, tu pars, je m'en tape deux tablettes par jour et le saucisson et le mâche-fro infernal quoi. Et le c'est l'objet on du mange désir. Bien la cantine. Oui, l'obscur objet l'outil. Du l'outil. Désir. L'outil. Oui, j'avais pas mesuré. Et non, jure-moi ouais, sur la tête de ta mère que tu ne l'as jamais mesuré. Ah si, j'ai mesuré. Ah bon, alors. Alors, bah c'est ce que... Ah bah 17. Quand j'ai vraiment la grosse. Ça fait 15 donc. Hein? Parce que t'as dû rajouter 2, non? Ah non, non, sérieux? 17. Et tu as pris où? Bah au-dessus, à partir du bis, jusqu'au bout quoi. D'accord, ça va. Et le tour? C'est important le tour. Le tour, alors, ça, je sais pas, mais je crois que 8-9, un truc alors, comme ça. Sais, en plus, même. Vous savez comment. Pas mal, vachement alors, large. Je vais vous expliquer comment vous allez faire. Au 9, d'ailleurs, je crois. Pour calculer le tour de votre bite. Parce qu'il y en a qui ont des règles longues, très rigides. Ça n'aide pas. Et donc, la règle ne peut pas faire le tour. Le double décimètre n'est pas très. Non, alors, avec des coutures, c'est super. Alors, ce que vous faites, vous prenez un fil. Et vous faites le tour de la bite. À couper le shit. Voilà. Vous touchez les deux bouts. Voilà. Vous touchez les deux bouts. Et puis après, vous mesurez avec la règle. Vous divisez par 3,14 et vous avez le diamètre. À nous. Vous pouvez... T'as été aux écoles, toi, garçon. Alors, qu'est-ce que tu crois? Tu me prends pour une endive? Je suis pas une baltringue, moi, garçon. Une baltringue. Je connaissais pas ça, tiens. Ah, oui, alors. T'en veux encore du vocabulaire? Vas-y, balance. Ouais, au fur et à mesure, pas tout d'un coup, hein, parce que sinon c'est trop cher. Hein. Bon. Il faut tout étaler en douceur. Hein. Tu l'étales ton beurre sur ta tartine. Bon, alors, eh bien nous on fait pareil. C'est quoi cette voix de châtrée, là? Mais laisse-moi Vaïtra. Laisse-moi Vaïtra, qu'il trempe. C'est une projection de... Ouais, ouais. C'est une projection de David dans 50 ans. Je suis un enfant de la Lebas. Tu mines d'où au Verlan, Watt? Ben ouais, mais je veux pas trop les parents en Verlan, parce qu'il y en a qui vont pas prendre con. C'est alors, bouchon, ça va être la scalpa, hein. Ça va être rendu pour les meufs. Elle est là. Et le décodeur est fourni avec. Elle arrive pas. Je vais me câbler. Non, elle arrive pas à me suivre. Une greluche. Je t'en prie, ça j'ai compris, merci. Et je n'apprécie pas trop. Une radasse. Oui, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne doit pas être flatteur. Ça, c'est tout ce que je sais. Une radasse. Oui, bah. Toi. Bon. Mais en tout cas, Thomas, tu as l'air un garçon fort sympathique. Fort sympathique. Ouais, d'ailleurs, en standard, ils sont comme des fous, ils veulent tous me faire. Ils me font bien l'émission et tout. Moi, je commence à flipper, je sors l'anus. Bah, dis donc, si tu te fais éponger, c'est bien. Quoi ? Si tu te fais éponger. Qu'est-ce que t'appelles éponger ? Bah, tu sais. Bah, viens vider. Ouais, par exemple, ça me fait flipper. Bah, il y a des meufs. C'est des macadas, là, dans ton oh, émission. Oh, pourquoi tu parles comme ça ? Oh. Moi, je suis un peur fille, moi. Il y a de tout. Oh, t'es un peu. Zoul, c'est ça, Zoul. C'est un Zoul. Zoul, ok, mec. Non, mais de look, hein, pas de gueule, hein. Je suis pas un arzo, hein. Ah bon, ça. Attention, bon. Gérard. T'es où de. Là, je suis à Bicêtre. Bicêtre. Ouais. Bon, ouais. Ça va, c'est. Non, mais du coup, bah, ça craint à fond, Bicêtre, ouais. Oh, ça, le schémar, tout ça. Le schémar, les rebeux. Bon, et on va te laisser, Thomas, hein, parce que c'est redit. On va te laisser hein. On va te laisser. Ah. Et on te laisse. Oui. Avant tout, je voudrais dire bonjour à toute la TC du lycée Gustave Eiffel de Cachan. Oui. Je crois qu'ils sont tous en train de se branler au-dessus des chiottes, leur radio dans une main, la bite dans l'autre. Voilà. Le truc courbé. Ne pas confondre, hein, le bouton de radio. Mais et enfin. Oui. Alors, je leur dis bonjour à tous. Je peux dire les noms un peu, là, Samuel. Vas-y. Balance, Thomas. Balance. Bernard, Gilles, les quatre greluches de la classe, les gros tons, quoi. Ok. À oui, moi la peur. Dieu reconnaîtra les siens. Bon, bah, c'est formidable. Thomas. Bon, je passe à l'émission la semaine prochaine, alors. Ouais, alors, hé. Ah non, on a le bac de philo, merde. Ah, le bac de philo. Ah, on a la philo, ouais. Ah, oui. Il y a des bruits. Bon, oui, il y a peut-être une grève des enseignants. Remarque, si c'est l'après-midi, c'est bon. Si c'est le matin, bon, ça craint. Ouais. C'est quoi quand tu pisses dans un truc à l'hôpital? C'est un haricot, non? C'est ça? C'est un basse, ça. On te passe, un haricot, c'est pour les mains. Non, un haricot, c'est pour. Oui, mais ça, c'est un haricot. Un fusil, ça s'appelle. Non, pour les mecs et pour les nanas, c'est pas pareil. Hein. Ah oui. Ouais, les meufs, c'est un haricot. Les mecs, ouais, les filles, c'est un haricot, oui. Ah, et les hommes, c'est un pistolet. Un pistolet. Voilà. Ah, bah, le basse. Passez-moi le basse, hein, s'il vous plaît. C'est divin, chérie. Bon. Passe-moi le haricot, là. S'il te plaît, Thomas. Ouais. Peut-on te laisser? Oui, bien sûr. Nous te laissons. Oui, bah, nous te laissons. Et tu peux nous appeler quand tu veux, mon ange. Bon, bah, Zaza s'est convertie. Elle est végétarienne. Oui, non, comment je peux plus dire de jus? Il n'y a plus de jambon, non, c'est du croissant. Pas de cochon, pas de cochon avec David. Salut Thomas. Est-ce qu'il a des messages pour les écoles là? Il veut me donner des messages, je crois qu'il a la liste. Non, il me les donnera après. Nous avons un autre auditeur en ligne. Je vous laisse le numéro de téléphone de la station. 43 57 69 70. 43 57 69 70. Oh, c'est du bonheur. Et on vous embrasse. Oh oui. Partout où vous avez envie qu'on vous embrasse. Et toi, Pascal, tu les embrasses où? Je sais pas, je vais jouir là. À l'intérieur des cuisses. Ah oui, je lèche bien là. Et tu n'es plus là pendant combien de temps, ma poupée? 7 mois. Ah, ouais. Ça va être dur. 7 fois 4, 28. 28 semaines. 28 semaines sans toi. Peut-être que tu repasseras entre deux. À septembre, peut-être. À septembre. Petit comeback. Voilà. Voilà. Une semaine et puis... Voilà, une semaine. Alors, c'est Catherine qui va te remplacer pour les débuts. Ouais. Hein? Elle est à côté de moi. Là. Voilà. Alors, Catherine, elle me dit, surtout, tu me casses pas. Hein. Elle fait, bon, je veux bien, hein, parce que... Mais tu me casses pas. Hein. Non. Catherine, je te casserai pas, t'inquiète pas. Je te laisse 2-3 semaines pour te préparer. Et puis après... Après, je te casserai derrière, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, ça va être joli. Qu'est-ce qu'on va se régaler? Bon. Allô? Auditeur. Allô? Allô? C'est Gideon. C'est Gideon. Comment vous êtes Gideon? Je sais pas, une intuition. J'ai dit au standard. Gideon, tu sais que tu fais un massacre parce que il y a des courriers vraiment sans arrêt pour toi. Et je veux dire que c'est plus future génération, c'est future pénétration. Il y a là, oui, il y a de ça. Parce que là, futur toujours, pénétration au présent jamais, mais au futur toujours. Parce que là, je suis pas très bien, je sais même en voir. Parce que tout à l'heure, j'étais avec une copine, Caroline. Et on a fumé une grosse cigarette et elle a mis du chocolat dedans. C'est elle qui l'avait roulé. Bah oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait plus de cigarette. Alors elle a fait une grosse cigarette Et après, je ne sais pas bien. Un peu en cône. Et... Ouais, comme tu veux. Et là, t'as la tête qui tourne un peu. Oui. La tête un peu style dans le cul. Quand même pas, parce que je suis pas souple, mais... Tête de nœud, évidemment. Mais... Oui. Et dis-moi, attends, je vois sur ta fiche que tu vas te marier grâce à l'une de fiel. Oui, c'est pas sûr. Mais parce que la fille, j'ai eu beaucoup d'argent. Et c'est pas vrai. Et elle a dit, bon, on va se marier et tout, mais tu crois que ça va changer si j'ai pas d'argent? Non. Elle fait pas ça pour l'argent. Non. Et puis, tu sais, vu tous les appels qu'on a eu pour toi, je pense qu'elle a très bien tombé amoureuse de toi en tant que personne, et ton argent ne compte absolument pas dans l'amour qu'elle éprouve pour toi. Mais tu as vraiment beaucoup d'argent. Ben non, justement, il est un il peu en a plus fauché. Il a fait croire qu'il en avait. J'ai pas bien voilà, compris. Voilà, il a fait croire non, qu'il avait. Je lui dis parce que, tu sais, j'avais rencontré la meuf de Saint-Denis. Voilà. Oui, ah oui, je m'en souviens bien. Oui. Et je lui dis, ouais, j'ai plein d'argent parce que j'ai gagné au loto. Ah, voilà. Et elle m'a dit, ah, c'est vrai et tout. Et après, ben, on a fait l'amour. Mais je voudrais parler au docteur Ruth. Ah, voilà, docteur Ruth. Alors, on va l'appeler, on va aller chercher dans le placard. Docteur. Allô. Allô. Oui, bonjour, vous êtes dans Et j'ai Léon. J'ai Léon. Vous avez le problème de la convocale. J'ai pas eu grande voix. Et je suis un grand fan de vous. Oui. Et je vous ai vu à la télévision dans Sexy Fox Foyes. Oui. Vous pouvez faire la présentation de le journal de 20h. Ce serait bien. Je peux pas. Et je vous ai vu et vous êtes très belle. Merci, je dors. Je suis très, en effet, je suis très très belle. Je passerai pas beaucoup la TV Fashion French. De tomber sur le téléphone. Quel est votre problème? J'ai fait l'amour avec une femme. Oui. Mais elle a dit qu'elle sentait pas beaucoup quand je baisais. Alors elle a acheté un goût de michet. Vous avez... Ça coûte cher. Vous avez bien mis le pinus dans le trou de la madame. Oui. Il n'y a pas eu de l'effet. Et elle croyait que c'était un doigt. Ah, ben beaucoup le pinus fatigué. Le pinus, il était érection. Je sais pas. Ah. Mais il était dur en tout cas. Hein. Non, mais tu sais ce que tu fais, tu en mets deux, tu mets... J'en ai qu'une. Tu sais quand on dit deux doigts, et ben tu mets deux bites, elle croit que c'est deux doigts. Non, tu mets ton... Un bisexuel, c'est un mec à deux bites. Voilà. Ah, un bisexuel. Pas dans les livres. Voilà. Un bisexuel, c'est quelqu'un qui a deux bites, une devant, une derrière, et celle qui est derrière, c'est jamais la même. Ah, c'est ça alors. Vous êtes bisexuel ou... Oh, moi je suis quadrosexuel. Non mais... Arrêtez d'allumer la lumière. Tu le fais exprès, tu vas me sucer, hein, pour la peine. Et comment je pourrais faire? Parce que le gars de Michel, mais moi le problème, c'est qu'avec le gars de Michel, moi je sens rien. Ah bah oui, mais c'est normal, parce que c'est pas fait toi. Pour sentir pour toi. T'as qu'à le brancher dans ton cul, te prends un double. Bah, tu sentiras quelque chose. Elle a qu'à te branler ou te sucer pendant que... Il faut que tu l'allèges, Gédéon. Où ça? Sur le chat. Tu lèches le petit chat barbu, là où ça sent un peu. Où c'est qu'on met Daisy? Voilà. Daisy? Il a dit Daisy. Il a prononcé mon nom? Daisy Mollard, votre sœur. Tu as prononcé mon nom? Oui. Tu seras puni, Gédéon. Tu seras puni, Gédéon. Tu suceras 30 bits cette semaine. Non. Ça t'apprendra. Mais non, je peux pas. Tu t'es moqué? Non, je suis pas homosexuel. Tu as donné à l'antenne mon nom de femme. Non. Bah si, tu m'as appelé Daisy. C'est un coup que vous avez monté avec Zaza. Non. Tais-toi, mais ne fallait pas le dire. Non, mais c'est pas vrai, tu me... Bon, pas de bateau. C'est pas grave, tu vas voir. Regarde ça, ce... C'est quoi? Regarde l'homme ici, l'homme, là. Regarde ce qu'il a devant lui. Mais ouais, mais c'est pas sa bite, c'est un god. Mais bidon, c'est un god, c'est un god. David, oui. Je peux vous passer un petit truc? Oui. Un petit souvenir de la dernière fois. Bon, vas-y. L'homme de sphère. Écoutez, hein. Est-ce que, dis-moi, mon petit chat, oui. La dernière éjaculation date de quand? Ben, je t'avais dit, j'avais éjaculé une fois. T'as remix. C'était avec... En 72, hein. 72 avant Jésus. Mais j'ai un souvenir. Tu enregistres toutes les émissions? Oui, pour les femmes. Ah, et tu vas bientôt créer une cellule, un club? Mais il paraît qu'il y a déjà des gens qui ont fait un club. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, docteur. Mais tu seras, si tu fais un club, on pourra dire club Gédéon et tu seras membre d'honneur. Et tu auras peut-être une médaille même. Gédéon, le roi de la fellation. Non mais tu as un problème dans ton rire, non? On dirait que... ça fait un peu le chant des baleines, hein? Non, il y a une... Tu peur le dauphin. Tu peur le dauphin. Tu as des problèmes. N'avale pas ce que tu viens de descendre de tes narines. C'est divin, Gédéon. Recrache. Bon, Gédéon, on va te laisser. D'accord. Mais j'ai appelé comme ça pour... Bah, bien sûr. Non, mais ça nous remonte le moral. Et je dis bonjour à tous mes amis qui m'écoutent. Parce que maintenant, il y en a plein qui m'écoutent. Hein. Ouais, ouais, plein, oui, plein. Beaucoup. Ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup. Tu as beaucoup de femmes. Et je pense qu'il faudra qu'on te fasse venir un jour à l'émission. D'accord. Ah, oui. Voilà. Allez, au revoir, David. On te souffle, hein. Salut. Bisous. Salut, Gédéon. Oh, c'est tourné manège. On met de la musique ou on prend un autre appel et après de la musique, une très bonne musique, hein. Un autre appel. Là pour la, un autre appel, hein. Et après la ouais. Musique. Nous avons un auditeur en ligne. Allô. Allô. Bonjour. Allô. Alors, bonjour. Moi, je passe après Gédéon et c'est très dur parce que après quelqu'un aussi profond que Gédéon, j'ai essayé d'être à la hauteur. Ouais. D'être aussi profond. Il va falloir être. Pardon. La profondeur est importante pour toi? Ben oui, parce que la profondeur, c'est le contenu, quoi. Ah. Plus on est profond, plus on peut rentrer chose dedans. Et donc, voilà. Mon problème, moi, c'est que j'ai jamais subi de fellation. Enfin, jamais. Attends, tu t'appelles comment déjà? Gilles, et tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. Et tu aimes les filles? J'aime les filles, oui. Et tu n'as jamais subi de fellation? Pourquoi tu dis subi? Eh bien, parce que c'est passif. Alors, c'est pas vrai. Ah bon, et d'abord, t'éjacules, alors là, tu subis pas, tu ne fais pas que subir parce que t'as quand même une action dans la chose. Non, non, tu ne fais pas que subir. Et puis tu peux donner un petit coup de rein, tu peux impulser un mouvement pour que la fille connaisse ton rythme. Non, tu fais des choses quand tu te... Tu es déjà sorti avec Jessie? Si, j'ai une copine en ce moment, mais disons qu'elle veut pas. Tu couches avec elle? Oui. Tu la lèches bien? Et non, elle veut pas. Elle veut pas. J'ai essayé de rentrer dans ton cul, ça a été tout de suite. Oui, non, mais il faut pas commencer par ça, voilà. Tu as de la chatte. Voilà, non, mais la chatte, elle veut bien, mais à un moment, quoi, pour essayer de pousser un petit peu plus loin, elle veut pas toucher le cabinet à moi. Est-ce que ça t'excite de lécher une chatte? Écoute, alors, voilà, mais... Malgré que tu l'aies jamais fait, j'ai fait. Bon, mais mon expérience à la matière est assez succincte, c'est-à-dire que j'ai connu 3 filles exactement. Ouais. Et la première, j'étais un petit peu jeune, c'était il y a 3 ans, et j'ai pas trop exploré, quoi, avec la bouche. La deuxième, j'ai essayé, mais alors ça, qu'est-ce que ça puait, alors c'était... Ah, c'est normal, c'est normal. Pauvre garçon. Non, mais enfin, c'est des choses qui peuvent être agréables, je pense, mais il faut s'habituer, quoi, c'est un petit peu comme... Ah ouais, ben, c'est comme sucer une bite, hein. Il faut s'habituer aussi. Hein. C'est pas normal d'avoir un gros truc dans la bouche, alors il faut du temps pour se faire à l'idée. Après, on s'habitue bien. Mais... Tu, tu t'es habitué beaucoup vite, Zaza? C'est pas à vrai dire. Au début, c'est pas quand même, ça va pas de soi, hein, de se prendre un gros truc. Je peux pas parler. Hein. Non, plus, mais tu as la bouche pleine d'ailleurs. Non, c'est vrai, c'est pas... Au début, c'est pareil pour lécher des chats, c'est pas... Dis-moi. Parce est-ce que elle, ça la dégoûte que tu la lèches? Apparemment, oui. Ah. Et disons que... elle a l'expérience, elle a le même âge que moi, mais elle est beaucoup plus... Moi, je suis un petit peu novice, quoi. Et elle sait faire les choses, je veux dire. Elle mène un petit peu le jeu. Elle mène le jeu si elle te suce pas, si elle te... Non, on peut faire plein de choses sans aller jusque-là. Elle veut pas toucher, quoi. En fait. Mais elle veut pas. Mais est-ce qu'elle te branle? Oui. Ça, elle te branle. Pas souvent, mais. Et elle, ça, elle veut bien toucher. Elle veut pas. Ouais, c'est la bouche qui. Disons que ce qu'il y a, c'est que elle aime bien diriger l'opération, elle se met dessus, et des fois je veux pénétrer, elle veut pas, elle m'empêche. Elle fait l'hélicoptère? Ouais, disons. Et après, alors c'est un petit peu sort de jeu, quoi. J'essaie de la prendre par derrière. Ça, alors là, je suis comme un fou là. Elle refuse et après elle accepte et tout. Voilà, mais en levrette, alors c'est le truc où je prends le plus mon pied, c'est pour ça que j'aimerais bien essayer par derrière, mais vraiment. Quand tu lui attrapes les hanches et tout, c'est. Ah oui, mais alors là, c'est. C'est divin. C'est divin. D'ailleurs, devant, je sais pas, mais c'est pas que j'aime pas trop, mais mon problème, moi, c'est que. C'est-à-dire, devant, tu vois sa gueule. Pardon ? Devant, tu vois sa gueule. Ah non, arrête, non, je trouve qu'elle est, elle est vraiment belle quand elle jouit. Ah bon, ça. Je trouve que ça me remonte, moi, ça me refait repartir. Et mon problème aussi, c'est que au bout du deuxième coup, par exemple, ouais. Je n'arrive plus à jouir. Oh ben c'est normal. Déjà, estime-toi heureux de pouvoir jouir deux fois. Il y en a qui. Il y en a qui envoient la purée, mais plein envoient la purée une fois et ils dorment. Ouais. Ah oui, c'est tout à fait normal. Hein. Non, mais il m'est arrivé de limer pendant une demi-heure sans m'arrêter. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah bravo, je n'aurai qu'un mot, bravo, c'est une très belle chose et ça nous fait très non, plaisir. Non mais tu sais, c'est... il ne faut pas te poser de problème sur le nombre de coups à tirer. Le principal, c'est que tu t'entendes bien avec ta camarade, que vous fassiez les choses. Oui mais alors, justement, qui vous plaisent. Ce soir par exemple, j'écoute l'émission, oui. Et qu'est-ce que je vois, j'entends, qu'est-ce que j'en couille, quoi, plutôt, oui. Deux salopes qui téléphonent en disant, oui, alors moi, qu'est-ce que quoi, j'ai salope, coupé et tout ça. C'est pas des salopes. Au début, non, mais je veux dire, bon, deux filles, voilà, deux jeunes personnes du sexe féminin, qui sont en train de raconter leurs exploits, qu'elles font dans leur bouche. Et moi, ça te rend fou. Ça me met hors de moi, là, parce que ça te rend je fou. Me dis, mais pourquoi, pourquoi merde. Pas moi. Oui, voilà. Mais peut-être pourquoi tu... pas moi. Peut-être tu la bouffes pas bien. Elle a bouffé, mais elle veut pas. Non mais, force, pas la forcer, mais commence à lui lécher les seins, à lui lécher le ventre. Mais tout ça pas en deux minutes. Reste un quart d'heure, 20 minutes sur le morceau. Mais est-ce qu'elle est coincée? Tu lèches partout le ventre et tout, le dessus des poils, les jambes. Ne va pas directement vers le chat. Et quand tu l'as léché pendant 10 minutes comme ça, approche-toi tout doucement du chat, sans foutre la tête dedans. Ouais. Tu lèches un peu dans les poils. Ben ouais, mais lèche un peu dans les poils et tout, fais bien le travail et tu verras qu'au fur et à mesure, elle va se laisser lécher. Mais est-ce qu'elle est coincée? Est-ce qu'elle ne supporte pas la lumière? Est-ce qu'elle... Ah non. Mais en fait, je crois que c'est un jeu qu'elle a fait avec... Elle fait un jeu avec toi, c'est-à-dire qu'elle te refuse les choses qui te rendent le plus fou. Ouais. Ce qui, ma foi, elle sait peut-être montre... Pas. Peut-être que ça ne le rend pas fou de lécher, hein. Qui ça? Toi. Non. Mais c'est-à-dire lécher. T'as peut-être pas envie de la lécher. Ce qu'il veut, c'est qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'elle lui taille une pipe et qu'il puisse l'enculer et elle lui refuse. Ouais, voilà. Et le suçage et l'enculage. Voilà, c'est ça. Et donc, il est très. Mais non, mais c'est vrai, non, mais moi, les chiens de chat, il y a un truc sur lequel quand je me branle, un truc qui me fait fantasmer, c'est que je suis en train de penser à la position 69, quoi. C'est-à-dire que je pense. Ah, mais érotique, ouais. Ouais. Ça, c'est, donc j'aimerais bien le faire, mais bon, pour l'instant, c'est pas. Ça va venir. Ça va venir, tu crois? Ça va venir. Alors, je voudrais dire un truc à Zaza. Ouais. C'est la seule homosexuelle que je supporte. Mais c'est, bah, d'ailleurs, je l'aime. Elle n'est pas homosexuelle, elle est sexuelle. Ouais. Non, mais c'est vrai, elle est vachement bandante, je trouve, à la limite. Bah oui, bah voilà. Ah. Tu me fais penser, t'as une voix qui fait penser à la femme d'un copain qui... Enfin, d'un copain de mes parents, quoi. Ah, t'allais dire le nom, là. Ouais, mais c'est à la femme d'un copain. Oui, bah, enfin, d'une relation, mes parents, une dame ouais. qui... Il y a, bon, je sais pas, moi, ils fantasment sur la mère des copains. Ah, mais tous, mais c'est plein, le blé en herbe, Pascal, qui est une littéreuse, elle peut nous dire tout ça. Oui, c'est vrai. C'est Chérie vrai. De Colette. Ouais. Bon, Gilles. Oui. Abrégeons. Eh bien, pour toi, oui. Pour moi, de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et... Je suis triste exprès, d'ailleurs. Non, essaye. Non, mais dis... Non, je suis omnisport comme Bercy, chérie. Ouais. Et tout. Il y a le volume de Bercy, quoi, l'intéressant. Pas tout ce qui est bon, je trouve à prendre, tu vois ce que je veux dire. Mais alors, ça voulait dire que tu avais un petit peu de, quand même, de ségrégationnisme moi à propos des homosexuels, puisque tu dis que je suis le seul homosexuel. Ah, pourquoi tu supportes les autres, tu les supportes pas. C'est pas que je supporte pas, mais je voudrais pas faire de comparaison, mais votre émission est géniale. Mais c'est là qu'elle est tapette, casse-couille. Moi, je parle pas. Hein. Non, mais les autres soirs. D'abord, les aux enculés, je leur adresse pas la parole. Alors, je parle pas de problème d'enculage ou pas d'enculage. Mais les autres soirs, il y a des émissions de petites annonces où quand on allume la radio et qu'on écoute ces connards qui commencent à parler, ils ouvrent la bouche, t'as des boutons au bout de 2 minutes. Ah. Non, mais c'est vrai. Mais oui, mais. Non, mais vous les écoutez pas les autres soirs, mais c'est impossible. mais moi, des mecs comme ça. Non, mais c'est vrai. Enfin bon, voilà, je voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais je trouve qu'ils sont imbuvables. Non, mais tu sais, bon, il y a professionnel et professionnel. Oui, bon. C'est pas une question de, d'homosexualité, je crois que c'est une question ouais. d'état. Enfin, bon, voilà, bon, non, mais nous sommes docteurs avant tout. Oui, et alors ça soigne. Nous sommes médecins, ça soigne, docteur. Oui. Ça d'ailleurs, soigne. T'as l'air d'être guéri, toi. Bon, depuis longtemps, hein. Oui, mais je crois que je suis reparti dans une nouvelle maladie. La cure a été longue, hein. Là, la méchanceté me prend, une tumeur de méchanceté. Ah, c'est oui, énorme. Mais de toute façon, pas pour autant, hein. Bon, une voilà. tumeur de méchanceté et de bile. Et de bile. Oui. Et de fiel. De fiel. Comme ça, tu peux l'avaler après. C'est ouais, bon. C'est de la, du fiel. Ça se réincurgite tout seul. C'est quoi les barrettes de chocolat là, qu'il a apporté le monsieur? C'est du Nutella. Ah, je savais pas que c'était aussi fin. Oui, c'est du Nutella compressé. Ah. C'est comme ça. Ah, vous voulez un morceau? Vous voulez goûter un morceau? Oui. Oui, c'est très très bon pour ce que vous avez. Et Ecstasy, c'est bien aussi, ce médicament m'a donné pour mon... Ah, mettre dans parce le que cul. Je suis ramolli le matin au vous travail. Allez mettre dans votre cul. On met? Et oui. ça fait quoi? Et très bon. C'est un... c'est effervescent? Oui, c'est une... ça nique la grippe. Bon. Bon. Bon, et Gilles, oui. s'il y a des meufs qui appellent... Pourquoi pas, oui. Hein, pourquoi des suceuses. Pas. Ah oui, alors oui. Des suceuses et des enculées. Des suceuses enculées. Ouais, et une qui soit blonde de partout aussi. Blonde de partout. Ah, ouais. Tu veux des chattes blondes? J'aimerais bien parce que j'ai jamais vu non plus. Ah. Il y a plein de choses que j'ai jamais vu. Toujours pas ce qu'on n'a pas vu, c'est vrai. C'est... Une ouais. chatte blonde. Bon, mais il a raison, c'est vrai. Une rousse qui puerait bien. Pour alors, parce que... rousse ou blonde, ouais. suceuse enculée. Ouais. Voilà. À vous, mesdemoiselles. Et c'était Gilles qui a 21 ans et qui cherche... Nous, on t'embrasse bien fort, hein, et surtout... Oui. Oh, il va trouver. Ouais. Oh, ça, oui, oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. 43 57 69 70, 43 57 69 70 pour Gilles. Alors, pour les petites annonces, pour les fous de moto, ceux qui sont branchés moto, eh bien, il existe le Gay Moto Club, on peut leur écrire, c'est ça? Oui. Au GMC, boîte postale 44, et c'est à 3 CEDEX. En écrivant avant 1002. 1000. Oui, 10002-3 CEDEX. C'est le GMC, c'est les motoclubs de France. C'est les mecs qui sont fous de moto, d'Harley Davidson. Et fous de. Est-ce qu'il y a. De bécane. De... Un petit peu de lichave. Est-ce que ça. Bah, il y a le responsable qui est là. Alors est-ce qu'il y a du lichave hein? Un peu, oui, voilà. Tu vois, je te l'avais dit. Mais alors qu'est-ce qui se passe sur les motos? Il y a des fédérations. On s'encule On s'encule. Enfin, on espère. On s'encule à 140. Et c'est ouvert à ceux qui font et aussi aux sympathisants, non? Oui. Des attouchements. Ben moi, je fais des attouchements. Je savais pas que ça s'appelait des attouchements. Oh, j'avais raconté une histoire il y a 15 jours qu'on m'a demandé de raconter. Et bien, de re-raconter. Un re-re. Il y a du vocabulaire turc, là? Ah, tu en as, toi? Oui, parce que Catherine, qui va travailler avec nous à partir de la semaine prochaine, est absolument obsédée par les minarets. Voilà, les minarets. Alors, c'est une femme qui est à l'hôpital en train d'accoucher, elle accouche d'un enfant et tout. Et puis, il y a la sage-femme qui arrive en courant et qui va voir le mari et qui dit bah, « Votre enfant est de trois couleurs. Il est jaune, noir et blanc. Oh » Et il y a le mari qui va voir et dit « Mais tu te rends compte, le gosse, il est jaune, noir et blanc et tout. » Elle fait « Mais tu te rappelles pas, c'est là partout ce qu'on a fait ensemble et tout. Oh » Et elle fait bah, « J'espère qu'il va pas aboyer. » C'est horrible, c'est très moqueur, c'est... Non. C'est tu avais du vocabulaire turc. Ça fera pas plaisir à Brigitte Bardot. Hein. Ah, tu en... Ah oui, ah voilà. Catherine est persécutée par les Turcs. Oui, enfin c'est elle qui persécute les Turcs. Ah, elle est persécutée... Ah bon, voilà. Et elle voudrait du vocabulaire turc, mais du très bon vocabulaire, hein, pas une endive qui nous appelle pour nous balancer des navets. Alors, 43 57 69 70, 43 57 69 70, et un très très bon disque. Excellent, qui ça va... Ça s'appelle vous... White Night, oui. Ce qui veut dire nuit... Blanche. Nuit blanche. Nuit blanche. Ah ouais. Bon. Et c'est chanté par un enculé, non? Oui. Non. De naissance. De ah, c'est héréditaire. Et non, c'est quand j'ai trop bu. C'est... White Night et c'est David, salut. Yeah. c'est David. Salut, c'est Zaza. Nous revoilà ensemble pour Lune de Fiel. Eh ben c'était joli ce qu'on vient d'entendre. Oh. J'ai deux otites. Mais sur la pochette, tu es très belle quand même. Ah, belle pépé, hein. On croirait que c'est pas toi. Ah, on croirait que c'est... Écoutez voir. Mme Denise, venez voir un peu là. Bah, hein, il est très joli ce gamin. Vous êtes couché quand il même. Il est très jeune, c'est non? C'est comme ça que vous avez produit votre disque. Couché. Il est très jeune. La Camus, elle vous a fait... Comment on a ça, un Dix? Couché. Bah, aussi ma fille, elle chante, elle n'est pas nommée au... C'est-à-dire que j'avais... Au conseil économique et social, comme Georges Plenaire. Ça, ça m'a beaucoup énervé. Bah oui. Georges est alors... une femme très compétente. Ah, mais alors, dis donc, les gens se le battent. Tu n'arrives plus à le trouver. Bah oui, on trouve les gens se battent. Ah, j'ai vu une émeute, moi, il n'y a pas longtemps. Pour pas payer. Il y avait une bagarre et je me suis approché du policier qui essayait vainement de maîtriser. Les gens s'arrachaient les disques. Et je disais, que se passe-t-il? Et tout d'un coup, j'ai vu des soucoupes volantes. Et ce n'était pas des soucoupes volantes, c'était des disques. Oh, j'ai regardé, oui. J'en ai attrapé un au vol, j'ai regardé, c'était tiens. Voilà. Alors sinon, vous pouvez le trouver à Virgin Megastore. À Chandisque, s'il y en a absolument, plus à Virgin. Absolument, il y en a 3 Fnac. Hein. Mais et dans, les Fnac. Dans les 5 Fnac. Gardez vos casques de moto et munissez-vous de matraques parce que sinon, c'est non. Pas la peine, c'est non. Très dangereux. Oui, oui. Mais alors, quel bonheur après une fois qu'on l'a. Ah oui, ça... Oui, d'autant plus qu'on non, s'est battu pour l'avoir. C'est en fin de compte une prière. Une prière pour vous aider. Pour vous faire comprendre que la sexualité, avant tout, est l'équilibre. Merci, Monseigneur Lustiger, de cette intervention. Merci. Et si Radio Notre-Dame... Radio ici Monseigneur Gaillot. Est-ce qu'on fait une... attends, une copie de Radio Montmartre. Vous venez d'entendre, eh bien, Jacqueline François. Et maintenant, c'est le printemps. Et qui nous chante le printemps? Celle qui est toujours le printemps permanent, c'est Céline Renaud. Et après, nous entendrons Patricia Carlier. Ah oui. Vous aimez les fourrures, les très jolies fourrures. Fourrure vison, chinchilla, lapin, renard. Pierrot le loup répondra à toutes vos demandes. Pierrot le loup, moins 20% pour les auditeurs de Radio Montmartre. Et maintenant, 3 enculés. Eh bien, c'était un communiqué de Radio Montmartre. Oui. Nous avons un auditeur en ligne. Bravo. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez parler, mais bon. Salut. Salut. David, Pascal et toute l'équipe. Eh bien, salut à toi. Salut. Quel est ton prénom? David. Oh, tu dois être très très beau. Pourquoi? Les David. Faut pas. Ils sont très beaux. Faut pas fier au nom. Ah, c'est pas le vrai. Si, c'est le vrai, mais j'ai dit faut pas fier au nom. Ah, tu crois que il y en a qui sont pas beaux? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas très beau toi-même? Bah, je suis pas du genre à me vanter, donc... Ah bon, oui. c'est bien, non, c'est bien. C'est suspect ceux qui disent, je suis très beau, justement. C'est suspect, je dirais même mieux, c'est lèche-cul. Voilà, exactement. Parce que mieux vaut lécher un cul que sucer un père. Hein. Voilà. Oh, ça dépend, tout ça se discute. Oui, ça. Oui. Alors, moi, c'est mon frère qui m'a conseillé d'appeler. Ah. Voilà. Donc, j'appelle parce que j'ai un petit problème. Oui. Ça fait un an que je suis avec une fille. Oui. Et bon, j'avais pas très confiance en elle. J'avais des doutes. Sur quoi? Sur sa fidélité. Voilà, sur sa fidélité. Ah exactement. Oui. Ouais. J'ai le même problème avec Mustapha. Et bon, j'ai dit à mon frère la suivre, quoi. C'est frère. Oh, tu es très soupçonneux. Parce que j'ai un frère de 15 ans. Ouais. Il a fait surveiller. Voilà, il a accepté. Ah, et tu as donné un petit quelque chose. Et tu as quel âge, David? J'ai 20 ans. Ouh là là, ouh là là. Déjà 20 ans. Non, 20 ans, mais j'ai eu raison. Hein. Ah. Je me suis aperçu que, bon, effectivement, elle me trompait. Ah. Et elle couchait avec d'autres garçons. Beaucoup. Plusieurs à la fois. Alors, le problème, c'est qu'elle m'aime. Oui. Ah. Oui. Moi, je n'en ai pas parlé que j'ai fait ça avec mon frère. Bon, moi je l'aime, elle m'aime, et bon, je voulais avoir quelques conseils. Et nous aimons. Mais comment tu sais qu'elle t'aime? Elle te le dit? Bah, elle me le prouve, elle me le dit. Elle te le prouve comment? Sexuellement? Non, pas sexuellement, avec les paroles. Bon, et alors, à ton avis, oui. Si je te pose la question, moi, oui. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle va avec d'autres garçons? Bah, moi je pense que c'était peut-être au niveau des rapports, elle n'était pas satisfaite. Est-ce qu'elle jouit avec toi? Ben, elle fait peut-être semblant. Est-ce que... Quel âge elle a? 19 ans. Est-ce que tu es le premier mec avec lequel, au départ, elle a couché? Est-ce que c'est toi qui l'as ouais, dit? Ouais, c'est eh ben, bon. Voilà, cherche pas plus loin. On revient toujours. Je vais t'expliquer. Voilà. Je vais t'expliquer. L'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Non, je vais t'expliquer comment ça se passe. Voilà, ouais. C'est que quand on a 19 ans, où elle a dû coucher avec toi, donc elle avait 18 ans, ouais. Et qu'on a connu aucun autre mec, on n'a pas fait le tour. Et ce qu'on a envie, c'est de connaître d'autres mecs. C'est surtout de connaître la séduction, le moment très agréable et excitant où tu dragues un mec, où tu vois que ça commence à marcher, tu sais pas trop, etc., jusqu'au moment où tu couches avec lui. Et c'est ça qu'elle a envie de connaître. Tu peux pas lui demander à cette fille qui a 19 ans de renoncer à tout pour toi, oui, parce qu'elle elle en a pas 50, hein, elle en a 19. Alors de toute façon, normal. Il faut te dire que si elle va ailleurs, ouais. C'est à la recherche de quelque chose ouais. qu'elle n'a pas avec toi. Ouais, mais justement, je peux lui donner ce quelque chose. Mais tu peux pas lui donner l'excitation du début, tu peux pas lui donner, parce que ça fait longtemps que tu es avec elle, et ça, elle l'a perdu forcément. Mm-hmm. Parce que maintenant, vous avez une certaine habitude à être ensemble, vous avez finalement des habitudes ensemble, oui. Et alors, bon, elle peut pas retrouver cette excitation du début avec toi, donc elle va le chercher ailleurs. Et puis elle essaye. Ouais, tu sais, quand on a 19 ans, on essaye.